Beaucoup viennent parce qu'ils cherchent Dieu. Justement. Beaucoup viennent parce qu'ils cherchent Dieu. Et on trouve des gens qui sont censés servir Dieu qui les mettent des entraves. Voilà. C'est terrible. Bon, je sais pas, j'ai une question là. Oui. N'est-ce pas? Est-ce que la prière qui, dont on fait généralement dit, j'envoie le feu sur X, oui. sur Y, oui. parce que moi j'ai un problème depuis. J'ai un problème avec ça parce que. Oui. Quand je lis la Bible. Ce sont des collègues qui font cela en envoyant le feu sur les gens autour de la. Quand je lis la Bible, n'est-ce oui. pas? Oui. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12. Oui. Nous ne luttons pas contre la chair. Et le sang. Et le sang, oui. mais contre les esprits. Voilà. Maintenant, quand on prie en disant que tel être humain meurt, oui. est-ce que c'est une prière? C'est dans la Bible qu'il faut aller regarder donc. Parce que, tu sais quoi, je te pose la question. Parce que, personnellement, j'ai eu. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Oui. Tu comprends? Un jour, je monte au pupitre et je commence à enseigner. Je parlais de l'amour. Tu vois? Et je dis. L'amour pour ses ennemis. Voilà. Je dis, je parle la Bible oui. claire, noire et blanc. Je dis, Jésus dit. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Oui. N'est-ce pas? Exact. Si quelqu'un te gifle à la joue droite, montre-lui la joue gauche. Priez pour vos ennemis. Oui. Et c'est très clair. Maintenant, quand on dit prier pour vos ennemis, oui. et que toi, tu penses que ton ennemi doit mourir, oui. est-ce que le prier pour vos ennemis, là, c'est prier pour mourir? Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on m'a réprimandé d'avoir prêché ça. D'avoir prêché ça. Publiquement. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'on est. Après, mon petit quota. Après, on est monté au pupitre. Il y a eu deux situations comme ça. Oui. Parce que le pasteur en question, il avait voyagé. Je crois qu'il était allé, je ne sais pas où. Je crois en France, quelque chose comme ça. Donc là, c'était au Nigeria, je ne me rappelle plus bien. Et j'ai prêché, effectivement, sur cette histoire de tout ça. Quand il est venu, on a rendu compte. Oui. Qu'il a dit qu'on ne crache plus le feu ici. Oui, que, il a dit qu'on ne doit plus envoyer le feu sur. On va le combattre sur nos parents. Sur nos. Parce que quand on te dit, ton ennemi peut être. Ton père, ta mère. Oui, qui t'a engendré. Et sur qui nous a, n'est-ce pas, grandi. Mais si Dieu permettait. Qui t'a tué, c'est que. C'est qu'avant même que tu ne saches parler, tu es parti. Et je fais comprendre aux gens que Dieu a dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Donc on ne peut pas, dans ce domaine-là, c'est pour moi, je pense que, selon la Bible, selon ma manière de voir la chose bibliquement, la vengeance et la rétribution appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous de donner la sentence de mort. Justement. Il décrète que cette année, si mes ennemis tombent et meurent. Et dit chaque fois au nom de Jésus. Voilà. Voilà cette goutte d'eau. Une fois, on est venu me réprimander. J'étais pas là. J'étais pas là. On a fait ton sermon par derrière. Voilà. La deuxième fois, j'étais présent. Donc, il y a eu un décalage de peut-être 2 jours. Je viens, je m'assois. Le pasteur principal, il vient, il monte au pupitre. Il a commencé par ça. J'ai déjà dit ici que ici, là, chez moi, on envoie le feu sur. C'est les ennemis. Et j'étais dépassé. Surtout que j'amenais déjà une partie du. À comprendre que c'est la vérité biblique. Donc on a encore venu leur dire que non. Et pendant qu'on faisait ça, les gens, ce sont tous les gens qui avaient écouté, mais c'est tourné pour te regarder. Pour me regarder. Et les gens, même dehors, ont commencé à me poser certaines questions. J'ai dit que non. Ça qui a fait là, c'était la goutte d'eau. J'ai dit que non, là, je crois que. Jusqu'à un certain moment, je me disais. Que putain, les gens ne sont pas conscients, mais je vois déjà que ma place n'est pas là. Exact. Et c'est pour ça que j'ai pris du recul, je ne suis plus jamais parti, ça fait peut-être 2 ans. Et puis, depuis que tu es sorti, si tu t'es appelé? On m'a appelé une fois. On m'a appelé une fois, et j'ai dit j'arrive. Tu vois, je me rappelle une anecdote, un jour, on m'appelle, parce que personne m'appelle, mais tu es où depuis? J'ai dit que non, j'arrive. Et je prends ma voiture, je ne sais pas ce que je fais. Ce jour, je passe par Bepanda Misoke, au marché de Bepanda Misoke, pour aller à l'église. Arrivé à Bepanda Misoke, la voiture s'arrête. C'est pas possible. Je sais, si je me pose des questions. La voiture s'arrête. Comme l'âne de Balaam. J'appelle l'électricien. J'appelle l'électricien, il vient. Il touche. La voiture démarre. l'électricien part, je reprends le véhicule, j'avance, je partais au garage du mécanicien pour qu'il essaye de régler certains trucs avant que je ne continue. Oui. Je quitte Bepana Misoké, l'électricien lui est rentré à Bali. Oui. Je quitte Bepana Misoké, Dobon, le mécanicien était à Dobon, Zachman. Oui. J'entre dans son garage, je cause avec lui, je cause avec lui là. Quand je lui dis que j'avais arrêté le moteur, après lui dit, bon, je reviens demain pour que tu vois le véhicule. Oui. Je démarre, je veux démarrer, la voiture ne démarre pas. La voiture ne démarre pas, je suis resté comme ça, j'ai dit, mais... Tu sais, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu un témoignage sur le 11 septembre, où quelqu'un quittait pour aller à l'aéroport, prendre un vol qui devait crasher. Et il a eu une prévision. Première prévision, il change la roue, il partait à l'aéroport. C'est-à-dire qu'il part à l'aéroport, il garde le véhicule là-bas. Pour prendre le vol. Il garde, donc, il, première prévision, il change. Deuxième prévision, il appelle les tow cars. Oui, pour qu'on vienne le prendre. On vient le porter sa voiture et il appelle le taxi. Deuxième prévision, il est resté comme ça. Il dit, mais. C'est pas normal. C'est pas normal. Avec les routes qui sont propres là-bas et au-delà. Il dit, c'est pas normal. Il prend ça, il dit au taxi, non, je ne pars plus à l'aéroport, ramène-moi à la maison. Quand il part à la maison, à la télévision qu'il voit comment on le voit là. C'est quand il voit comment son vol est en train de cracher sur le World Trade Center. Il a vu que c'est Dieu qui le retenait. Je t'ai dit. Quand la voiture fait ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit que non, je ne pars plus. Oui. Et quand, laisse-moi te dire, quand je pars, quand j'avais l'impression, quand j'étais décidé à partir, je n'avais pas la paix. Oui. Tu vois. Mais quand j'ai dit, je ne pars plus, la paix est revenue. Oui. Le véhicule a dormi au garage. Oui. Tu dis au mécanicien, bon, le matin, je vais venir, on va voir. C'est qui a lu. Le mécanicien arrive avant moi. Puis on avait seulement poussé le véhicule pour bien le garer là. Il arrive avant moi, il met là, il démarre la voiture, cadre tout. Ça démarre. Bravo. Je lui dis que non, laisse, tu ne comprends pas. Je n'ai même plus. On appelle même plus depuis. Donc. Tu vois que Dieu t'empêchait lui-même d'être. Oui. Et c'est comme ça que Dieu, quand on cherche Dieu, Dieu a ses manières de faire sortir donc ses enfants. Oui. Si seulement Dieu, parce que quand le Seigneur travaille avec les gens, il peut te révéler les choses spirituellement pour que tu vois qui est, quelle est la nature de telle ou telle personne. Mais souvent, il met seulement les anges comme ça pour te bloquer. Bloquer, tu ne vois pas. Et il ne te dit pas pourquoi. Pourquoi il traite dans le spirituel ces choses-là. Pour qu'on voit. Et donc, voici donc les gens qui sont censés. Le pasteur, le principal, quand il est revenu, quand il a tapé le pupitre là, est-ce qu'il a donné un seul verset de Dieu pour pas du tout. Pas du tout. Il dit que c'est lui qui a décidé qu'il s'est comme ça. Pas du tout. Et j'ai un petit qui me suit, n'est-ce pas, qui me suit cru. Quand il parlait, il me regardait. Il fait que me regardait. Parce que j'ai fait l'enseignement sur cette histoire. Il fait que me regardait. Il baisse la tête. Il me regarde, il baisse la tête. Il regarde. Après, à la fin, il a dit que moi, il a sorti quel verset de lui pour contredire. Il n'y a aucun verset. Aucun. Qu'est-ce qu'il va parler avec les gens alors? Tu sais, mon problème, c'est que parfois, je veux considérer que les gens sont de bonne foi et qu'ils sont sous l'emprise des esprits qui les contrôlent eux-mêmes. Oui. Mais à cause de l'orgueil, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont les problèmes. Ils ne veulent pas admettre. Oui, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont les problèmes. Mais ils préfèrent, n'est-ce pas, se plaire dans cette situation. Dans ce confort physique dans lequel ils se trouvent et ils continuent à vivre comme ça. Mais est-ce qu'ils réfléchissent à l'éternité? Mais quand quelqu'un dans ce genre de confort physique, il est physique, tu penses que s'il réfléchit à l'éternité spirituelle, je ne pense pas. Il vit ça comme paradis. Et d'autres même donnent encore des pasteurs qui disent la Bible, disent que le paradis et l'enfer, c'est sur terre. Voilà. Un pasteur, il tient la Bible, il dit ça. Voilà. Donc, ils sont dans une logique. Si toi, tu as été avec eux, s'il y avait des messages sur un pasteur que les écoute, qu'est-ce que tu... ayant observé, ayant été là à l'intérieur, voyant des choses, comment il y a de ces blocus là, ces murs de Berlin qu'ils ont mis devant les chrétiens pour les empêcher de voir Dieu. S'il y avait des messages ou bien des choses à dire aux chrétiens et même aux pasteurs, qu'est-ce que tu le dis? Oui, aux pasteurs et aux chrétiens, parce que pasteurs et chrétiens, je crois que bon, c'est la même chose. Oui. De leur dire, c'est juste de leur dire que lisez la Bible, n'est-ce pas? Oui. Regardez ce qui est écrit dans la Bible et regardez ce qui est fait au milieu de vous. Oui. Si ça ne correspond pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est très simple que ça. Mais il y a d'autres et ne pas chercher à donner le bénéfice du doute, n'est-ce pas, à l'homme qu'à la parole. Justement.

Mais après ta sortie de là, est-ce que les gens, certaines personnes qui t'écoutaient souvent prêcher ne t'ont pas approché pour dire, on sait au moins quand même que là où tu dis la vérité? Je voulais dire, normalement dans ce contexte comme ça, il y a des gens qui au moins aiment la prédication, aiment que tu dises la vérité, il y a des gens qui aiment la vérité. Oui, bien sûr, je t'ai dit qu'il y a... Mais généralement, ils sont en minorité quand même. Oui, ils sont... Non, le problème, c'est que beaucoup ont aussi peur. Oui. Tu vois, quand tu es parti comme ça, oui, on te considère déjà comme un paria. Oui. Ceux qui sont restés, oui, il suffit qu'on te voit côtoyer beaucoup ceux qui sont partis, et ça devient un problème. Sujet de prédication. Voilà, ça devient un problème. Oh, on l'a vu avec, comme si l'espace était interdit qu'on peut voir. L'église est devenue une espèce de KGB, les agents oui, de KGB. Oui, je crois que c'est le fonctionnement qui est généralement dans ce genre de... Chacun se surveille avec les autres. Oui. Au lieu de veiller sur les uns et sur les autres, en les exhortant. C'est ça. Alors, il y a des gens qui, même voilà, ils peuvent pas... Et puis moi, depuis ce temps même, j'essaie aussi d'éviter. Parce que, tu vois, quand tu es dans ce genre de truc, il y a tout dedans. C'est comme... on vient me raconter, hein, j'étais plus là. Oui. Tu vois mon accident là, tu vois ça, oui, oui. C'est un accident que j'ai fait. Oui. Et je me rappelle bien, j'avais un petit groupe d'intercession, oui, à l'église. Oui. Et c'est là où je faisais le plus des enseignements dont je te parle là. Oui, oui, oui. Tu vois, oui. Donc dans mon esprit, je disais que je vais prendre une minorité, oui, j'essaie de les impacter. Avec la parole. Avec la parole, mm-hmm, comme ça peut... Impacter le reste. Le reste. Ça peut créer, n'est-ce pas, quelque chose de... Pour que les gens se réveillent. Voilà. Un soir... C'est quand même terrible. Parce que je vais revenir. Oui. Donc, un soir, donc, j'arrive, je rassemble les gens dans une prière, je les enseigne sur l'amour. Oui. Et dans le groupe d'intercession, parce que j'ai fait comprendre qu'aucune prière ne peut aller devant Dieu si dans ton cœur il n'y a pas de l'amour. Mmh. Je lui ai montré un peu les détails de l'amour. Oui. Où tu n'as pas besoin de t'occuper d'autrui. Parce que je les explique ceci. Quand tu as des rancœurs, oui, envers quelqu'un, ce n'est pas la personne qui souffre. C'est pour ça que Christ nous a dit, oui, d'enlever ces choses de nos cœurs. Amen. Parce que si tu as les rancœurs dans le cœur, oui, ce n'est pas celui, n'est-ce pas, vers qui tu diriges les rancœurs, lui dort en paix. C'est toi qui souffres, c'est toi qui vas attraper l'hypertension. Oui. N'est-ce pas? Donc ça ne sert absolument à rien de garder des gens dans ton cœur pour rien. Je vais faire donc comprendre, les amener à comprendre que cette histoire-là, on dit qu'il faut tuer son ennemi, il faut faire comme ça. Justement. Ça remplit donc, la haine. Puisque quand tu vois la personne, tu ne prends pas ça. Bien sûr. Si tu salues la personne en disant qu'elle t'aime, c'est un hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Oui. Ça remplit la haine dans les cœurs. Et quelqu'un qui a la haine dans le cœur ne peut pas agré en communion avec Dieu. Oui. Tu vas prier comment devant Dieu avec la haine dans le cœur. Tiens-toi tranquille. Il y a un ancien de l'église qui est venu ce jour. Oui. Il ne sait pas d'où il sortait. Il ne vient jamais dans ce groupe. Il ne venait jamais. Oui. Il est venu. Et le jour là, ce qui m'a surpris, c'est qu'il avait sa Bible. Oui. Il entre là comme ça. Il n'était pas dans le groupe. Hein. Oui. Il entre, il écoute. Et toi, non plus, tu n'as pas arrêté. Non, il est resté. Oui. C'était, je vais souvent ça le vendredi, oui, vers 17h. Il écoute mon enseignement, il écoute. Après, on commence à prier. Il part, il s'assoit. Il s'assoit, il réfléchit. Il m'appelle. Oui. Quand j'ai fini, il m'appelle, il me dit, la semaine que tu viens de faire là, c'est comme si ça m'a que tu parles. Parce que ça me touche profondément. Oui. J'ai mon voisin qui couche avec ma femme. Wow. Depuis des années. Oui. Et il est à l'église comme ça. Oui. Qui couche avec sa femme. Là, il a donné les ultimatums au monsieur. Le monsieur l'engueule. Le monsieur fait comme ça. Il me disait donc que ce soir, je l'ai vu là. Pourquoi il venait par la prière? Oui. Il y avait une couturière. Il y a une couturière juste à côté. Oui. Il me dit que c'est chez elle qu'il partait. Une femme Bouddha. Je disais qu'il partait parce qu'il a parlé à la femme, il a dit que non, dans son village, il connaît quelqu'un là-bas, il peut lui faire du mal. Il peut tuer le monsieur. Oui. Il me dit qu'il venait comme ça, prendre le numéro de téléphone de la femme parce qu'il devait voyager dans la nuit pour aller à Bouddha. À Bouddha. Ça, c'est un ancien de l'église. Oui. Il part comme ça pour un marabout, pour tuer quelqu'un. Parce qu'il a envoyé le feu, ça n'a pas pu tuer. Je suis resté, j'étais dépassé. J'ai dit Qu'est-ce qu'il a fait donc entrer là-bas?